Pascal Enfou, Cresson Euterpe, présente la journée abordée sous deux aspects différents et complémentaires, entre lesquels oscillent plaintes et plaignants. Le juridique administratif, traité sous l'angle de la normativité, et l'aspect psychosociologique autour de la problématique de la gêne. Pascal Enfou. Alors, afin d'étoffer la notion de plainte liée à des questions de bruit, et en particulier de bruit de voisinage, nous avons fait trois hypothèses qui, me semble-t-il, peuvent orienter l'intentionnalité de cette journée. La première, c'est qu'il existe différentes modalités d'expression de la plainte et que si l'écrit aujourd'hui prend une ampleur particulière dans l'évolution de nos propres sociétés, il ne faut sans doute pas oublier ce que signifie la façon dont les plaintes orales sont exprimées. Il ne faut pas oublier le sonore non-verbal. Il ne faut peut-être pas oublier le silence. Deuxième hypothèse qui nous paraît extrêmement importante, une plainte exprime autre chose que ce qu'elle dit. Très souvent, l'objet qui est désigné dans la plainte n'est pas nécessairement l'objet qui est le mobile de la plainte elle-même. C'est très prégnant dans tous les problèmes de racisme, par exemple, qui seront sans doute, entre autres, évoqués. Il y a toujours un rapport particulier à la norme, il peut y avoir un rapport particulier à la gêne, à des aspirations sociales particulières, etc. Et troisième hypothèse, enfin, que nous avons formulée de la façon suivante, une plainte est toujours locale et circonstancielle. L'idée ici est d'insister très fortement sur le rôle majeur du contexte, à la fois spatial et temporel, et social bien entendu, sur l'émergence et les modalités d'émergence de la plainte.